j'éclate en deux feuilles, je pense à mon avenir. Les vrais et les faux, ouais. Qui restera sur mon navire. Je suis un biat, ouais. Sorti du 9-3 à Madine Bobini. Insulte ta mère, au lieu de faire la mafia en Lamborghini. Ouais, c'est fini, ouais. Va leur dire c'est fini, ouais, ouais. T'embrasses ta mère, ta halle, à des salopes fait des culés. Salam, salam, que Dieu te punisse. T'as pas d'âme, bâtard, bâtard, bâtard. Les meurs sous chicha, y'a plus de patate, patate. Est-ce qu'on donne le bon exemple aux petits frères? Non, j'pense pas. Et si j'cartonne dans le rap, nique ta mère, j'fais pas de constat. Renseigne-toi sur moi, mon vécu, on te racontera. Faut un minimum de bif, si tu me proposes un contrat. Faudra assumer, ramène ton champion, je te promets. Je le casse en deux formations de la pré-saison, est-ce que tu connais? Le 9-3 n'a pas de patron. Le 9-3 n'a pas de patron. Trop tard, on demande des pardons. Le 9-3 n'a pas de patron. Allô, t'es où? J'suis au télo avec une de ces putives, c'est la vierge sur la fille de ma mère. J'suis déçu, j'suis déçu, j'suis déçu. Et tant qu'ils touffent tous des sous, on a grandi et s'allume pour tes sous. Putain, j'repense à notre enfance. J'm'en mémoire des délires de fou. Arrivé tous d'être une star de foot. Oui, on a fini son terrain, mais viscère de la chnouf. Voilà, Tito, des halls ne s'en pas de rôle. Parle pas avec moi ou parle-moi d'euros. J'suis 250 derrière le 10 de Roro. Dis-moi qui l'aurait cru, naze, bif à follow. Posé dans le carré, vit pendant son croco. Gardez vos propos, du vrai rap que de la frappe, ouais, c'est ça qu'on propose. Y'a Zé Amédi, en ayant t'a dit, Siri m'a sort le faire, nous on fait ce qu'il en faire de vendredi à vendredi. Faudra assumer, ramène ton champion, je te promets. Je le casse en deux formations de la pré-saison, est-ce que tu connais? Le 9-3 n'a pas de patron. Le 9-3 n'a pas de patron. Trop tard, on demande des pardons. Le 9-3 n'a pas de patron. Faut pas honte la merde.